Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le gouvernement burundais appelle l'Église catholique à continuer à appuyer le gouvernement dans la construction des infrastructures socio-économiques pour le développement du pays. C'est un reportage à suivre tout au début de ce journal. Et la commission Vérité et Réconciliation ne bénéficie pas des appuis de la communauté internationale pour réaliser ses œuvres. Les raisons sont multiples. Et la cour d'appel de Makamba a requis une peine de 5 ans à 10 ans pour les 13 personnes parmi les 16 qui sont accusées d'extorsion et d'assassinat de certains Burundais qui rentraient dans la Tanzanie. Et à la fin de cette édition, comme tous les samedis, vous avez droit à la revue de la presse après ce journal. Voilà pour le titre. Eli Kadogo assure la mise en onde. À la présentation, vous êtes avec Moïse Misago. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, l'Église catholique est appelée à continuer à contribuer dans le développement du pays, notamment en produisant beaucoup d'œuvres et en créant une banque de crédit à faible taux d'intérêt. Cet appel a été lancé par le président de la République ce samedi à Gitega lors d'une messe d'assomption qui a eu lieu au sanctuaire marial de Mugera en commune Bugendana. Le président de la Conférence nationale des évêques du Burundi a d'abord salué la présence du chef de l'État et a promis que son appel fera objet d'un suivi, n'est-ce pas Gérard Nibigira? Au cours de cette messe de l'Assomption qui a eu lieu au sanctuaire marial de Mugera en commune Bugendana, province de Gitega, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a dans son discours précisé que les prêtres sont très intelligents, d'où il leur a demandé de reprendre leur ancienne habitude de produire des ouvrages variés, à l'instar de feu abbé Jean-Baptiste Naukaja et Michel Kayoya. Il a aussi remercié l'Église catholique pour ses nombreuses contributions dans le développement du pays, tout en lui rappelant qu'il y a toujours encore à faire, notamment dans le domaine économique comme la création d'une banque de crédit à faible taux d'intérêt. Prenant la parole, le président de la Conférence nationale des évêques du Burundi, Mgr Joachim Naondereye, a remercié le président de la République pour sa présence à Mugera. Il lui a ensuite promis qu'il va tout faire pour que les conseils qu'il lui a donnés soient pris en considération. Il a de cette façon accepté que les religieux seront sensibilisés pour qu'ils produisent des ouvrages. Cela étant, il a promis que l'idée de mettre en place une banque de crédit à faible taux d'intérêt sera approfondi pour une contribution de plus au développement du pays. De son côté, Mgr Simon Hamwana, archevêque de l'archidiocèse de Gitega, a dans son homélie insisté sur le pardon et la réconciliation entre les Burundais. Il a illustré ses propos par l'enseignement de Jésus-Christ qui invite toute personne qui va donner ses offrandes et qui constate qu'il a un contentieux avec son prochain de régler d'abord son contentieux et ensuite donner ses offrandes. Plusieurs membres du gouvernement avaient pris part à cette messe de l'Assomption. Depuis Gitega, Janibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Page justice transitionnelle à présent. La communauté internationale ne donne actuellement aucun appui dans le travail de recherche de la vérité et de la réconciliation au Burundi pour diverses raisons. Aloïse Batungwanayo, commissaire chargé d'enquête au sein de la commission Vérité et Réconciliation, dit que les tractations avec l'ONU sur l'appui dans ce travail avaient été démarrées, mais en vain. Il explique que cette réticence prend origine dans la divergence sur la composition de la CVR. Suivez ces propos ont été recueillis par Elinibe Nibigira. L'origine du traitement du passé, de surcroît, la commission Vérité et Réconciliation prend origine dans les négociations d'Arusha et la signature de l'accord de paix et la réconciliation qui a été signé le 28 août 2000. C'est dans cet accord protocole 2 où on trouve qu'il y aura une mise en place de la Commission nationale de vérité et réconciliation. À l'époque, c'était Commission nationale de vérité et réconciliation qui devrait être mise en place 6 mois après la signature de l'accord, c'est-à-dire au mois d'avril 2001. Et voilà que cette Commission vérité et réconciliation a pris un retard énorme qui a été mis en place 14 ans après la signature de l'accord d'Arusha. Et donc, depuis 2000 jusqu'en 2011, ce processus se faisait de façon conjointe. C'est-à-dire, le gouvernement du Burundi était toujours en tractation avec la communauté internationale. Et lorsqu'on parle de la communauté internationale, entendez les Nations Unies. À partir de 2011, il y a eu un semblant de retrait de la communauté internationale pour la simple raison que les Nations Unies disait que le Burundi ne respectait pas la convention signée entre ces deux parties, les Nations Unies et le gouvernement du Burundi. Les choses se sont empirées lors de la mise en place de la Sévère 1, entendez, la première équipe qui a été mise en place en décembre, le 10 décembre 2014. La communauté internationale a dit, voilà, la loi de la Sévère ne respectait pas les standards internationaux. À un certain moment, le bureau de l'Office des droits de l'homme a continué à discuter avec la Commission de vérité et conciliation et avait promis à un certain moment un soutien. Et après 2015, on a dit, voilà, il y a des mesures prises à l'encontre du gouvernement du Burundi. Et comme la Commission de vérité et conciliation est mise en place par le gouvernement du Burundi, les Occidentaux, surtout là, il faut que je le dise, ils ont dit, on ne peut pas appuyer un organe de l'État. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la Commission Vérité et Conciliation, aujourd'hui, c'est la CVR2, ne bénéficie d'aucun soutien international. C'était Aloïse Batungwana, commissaire chargé d'enquête au sein de la CVR. Justice à présent, 5 à 10 ans de prison ferme et une indemnité d'1 400 000 francs burundais. Telle est la peine prononcée par la cour d'appel de Makamba ce vendredi à la prison centrale de Rumonge contre 13 des 16 personnes accusées d'extorsion et d'assassinat contre des Burundais rentrant de la Tanzanie. Toutes les 13 se sont rendues coupables uniquement d'extorsion et 3 autres citées dans cette affaire ont été acquittées, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? A part Kirimwe Bagabo Fidèle, un brigadier et Arakaza Alexis et Nakitumana Jean Bosco, deux civils qui ont été acquittés par la cour d'appel de Makamba, siégeant à la prison centrale de Rumonge ce vendredi, des accusations d'assassinat et d'extorsion contre des Burundais rentrant de la Tanzanie qui pesaient sur eux. Leurs 13 co-prévenus ont été blanchis seulement sur l'infraction d'assassinat, mais se sont rendus coupables d'extorsion. La cour d'appel de Makamba a prononcé 10 ans de servitude pénale contre 7 d'entre eux et 6 autres écopes de 5 ans de prison ferme. Ces 13 personnes devront en outre verser une indemnité de 1 400 000 francs burundais de dommages et intérêts chacune. Une indemnité qui sera partagée entre 17 personnes ayant réclamé d'être indemnisées et cela à la hauteur d'1 070 588 francs burundais par personne indemnisée et 4% de cette indemnité de droit proportionnel. Si les détenus n'arrivent pas à payer ces indemnités, ils vont écoper de 7 ans de contraintes par corps et verser même ces indemnités. Le parquet général, près la cour d'appel de Makamba, poursuivait 12 civils et 4 policiers qui opéraient tous en commune Kayogoro de la province Makamba dans ce dossier. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Page Société à présent. Le gouvernement du Burundi demande à celui du Rwanda d'assurer la sécurité des réfugiés burundais du camp de Mahama qui veulent rentrer dans leur pays. Dans une déclaration de ce vendredi, après une réunion de la tripartite entre le Burundi, le Rwanda et le HCR, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a annoncé que toute la logistique pour le rapatriement de ces réfugiés depuis le Rwanda jusque dans leur commune d'origine est prévue. Suivez à ce propos Pierre Nkurikiye, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur. Techniquement, les réfugiés burundais viendront à bord des bus en provenance du Rwanda et arrivés à la frontière, les bus et le personnel du Rwanda ne vont pas traverser la frontière, ils vont rester de l'autre côté et les réfugiés vont alors quitter les bus pour franchir la frontière et entrer dans les bus qui se trouveront du côté du Burundi avec leurs biens. Alors ils vont être transportés immédiatement dans le centre de transit de Songolé. S'ils viennent en nombre très élevé, le gouvernement du Burundi dispose d'autres centres où ils pourraient les mettre pour les formalités avant de regagner leur famille. Nous souhaitons déjà le bienvenue à ces Burundi qui vont rentrer dans leur bercail. Et donc, après la réunion, on s'est convenu que le HCR, le bureau du Rwanda, vont commencer à faciliter l'enregistrement de tous les réfugiés burundais qui veulent rentrer et quitte à pouvoir passer aux étapes suivantes. Et nous en appelons alors à tous les réfugiés burundais qui se trouvent au Rwanda, spécialement dans le camp pour réfugiés de Mahama, pour qu'ils puissent s'enregistrer immédiatement. On peut même le faire via un numéro de téléphone et tous les moyens sont permis. Page agriculture à présent, le personnel des sociétés sogestales qui n'ont pas été régularisées sera bientôt rétabli dans ses droits. C'est une promesse du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions dans un point de presse animé ce vendredi. Le ministre Deogui Derourema précise que le gouvernement a d'abord commencé à payer les caféculteurs et le second paiement sera clôturé avec la fin de ce mois encore suivi. Oui, nous sommes au courant qu'il y a une catégorie de personnel de Sogestar qui se lamente et comme quoi n'ont pas été payés. Mais je voudrais vous informer qu'avec la nouvelle dynamique et la structuration du secteur café, notamment la mise en place de l'ODECA, nous sommes en train de nous approprier de certains défis, mais chacun à son temps. Pour le moment, nous avons voulu privilégier d'abord le paiement des caféculteurs. Comme vous le savez, le premier paiement s'est bien passé à travers tout le pays et le deuxième paiement est en cours et va se clôturer pendant ce mois d'août. La phase qui va suivre, l'ODECA et au courant est en train de se préparer à cette tâche, c'est de faire une évaluation réaliste et pour voir combien le gouvernement a déjà contribué dans les Sogestars. Et vous savez qu'il y a les actions du gouvernement et les actions des privés dans les Sogestars. Ce personnel a confondu le rôle des Sogestars et le rôle du gouvernement. Donc, après avoir fait cette évaluation, nous allons montrer clairement la contribution et la part du gouvernement dans ses engagements, mais aussi nous allons analyser le comportement ou la contribution ou la part des privés qui avaient des actions dans les Sogestars. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement est conscient de ce problème, va leur montrer ce que chacun devrait s'acquitter comme rôle et nous allons tout faire pour établir ce personnel dans ses droits, mais vous comprendrez que ce n'est pas le gouvernement qui va prendre en charge les salaires, comme ils le disent, de son personnel, mais chacun connaît des proportions de contribution et nous allons mettre les choses au clair. Et pour boucler cette édition, page éducation, le matériel scolaire, en l'occurrence les cahiers, s'achètent au ralenti au chef-lieu de la province Changhunzo à l'est du pays. Les commerçants de ces cahiers qui le disent ainsi au moment où les acheteurs évoquent des raisons de pauvreté dans les ménages, les parents des élèves disent attendre la baisse des prix. Les commerçants, quant à eux, estiment que les prix risquent de grimper à l'approche de la rentrée scolaire. Ces parents demandent à l'État de les appuyer. Raymond Moudende. La pauvreté dans les ménages, telle est la principale raison qui explique que les cahiers du marché du chef-lieu de la province Changhunzo se vendent à compte-gouttes. Telle est la vie des commerçants et surtout des parents. En comparant aux années antérieures, les commerçants remarquent une lenteur dans l'achat des manuels scolaires, en l'occurrence des cahiers, à l'approche de la rentrée scolaire. Ces commerçants affirment alors que les prix des cahiers n'ont pas grimpé pour autant. De passage au marché du chef-lieu de la province Changhunzo, on remarque néanmoins que les prix par détail des cahiers n'est pas le même, surtout pour les cahiers de 100 feuilles quadrillées. Certains vendent ces cahiers à 1200 francs par unité, d'autres à 1300 et même à 1400 francs par unité. Pour ceux qui vendent à la hausse ces cahiers, ils prétextent la hausse des prix là où ils achètent, tandis que d'autres affirment gagner peu pour favoriser l'écoulement de ces cahiers. Les parents qui ont des enfants qui bientôt vont regagner le banc de l'école, demandent à l'État de continuer à les subventionner par en dos de cahiers aux écoles fondamentales, mais cette fois-ci avant la rentrée scolaire. Et tant qu'on parle des manuels scolaires, rares sont des kiosques du marché du chef-lieu de la province Changhunzo où l'on peut trouver les uniformes. Les commerçants disent que prochainement, ces uniformes seront disponibles. Depuis Changhunzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. Et voilà, à 18h15, c'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Elika Dogo pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean-Bosco Ndouimana et Elinibé Nibigira. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le coronavirus toujours dans l'actualité. Le journal Iwachu ouvre son éditorial par un proverbe. Puisque Dieu frappe quelqu'un de la lèpre, il n'y a que Dieu qui puisse l'enlever. Les conclusions d'une enquête menée par son correspondant au centre du pays sur la stigmatisation d'un malade de COVID-19 font penser à ce proverbe juif des temps bibliques où les Hébraïques ne considéraient pas la lèpre comme une maladie, mais comme le doigt de Dieu, une malédiction divine, la punition d'un péché grave. Les témoignages des patients à Gitega et à Karusi font froid dans le dos. Ils sont étiquetés, stéréotypés, harcelés, subissent une discrimination, rapporte notre confrère qui en rappelle un cas emblématique. Celui de ce magistrat de Karusi qui a pris la fuite après avoir été testé positif de COVID-19 à l'hôpital de Gitega. L'éditorialiste de cet hebdomadaire trouve qu'afin de pouvoir endiguer la maladie, la population rurale doit avoir la compréhension du mode de propagation du virus, la procédure de traitement en cas de maladie et surtout savoir qu'un patient peut guérir s'il est traité à temps. Une pédagogie qui demande l'implication et le concours de tout le monde, conclut le journal Iwachu. Plus de 200 enseignants de différentes provinces scolaires comme Ngozi, Kirundo, Muramvya, Kayanza, Bujumbura, Muyinga, Bubanza et la mairie demandent, à travers une correspondance adressée au ministre de tutelle, la reconnaissance de leur diplôme obtenu en cours d'emploi, écrit la voix de l'enseignant. Cet hebdomadaire de l'éducation note aussi que la plupart de ces enseignants avaient le diplôme A2, D7 ou Humanité Générale au recrutement et que le ministre Jean-Vierre Ndirahisha avait appliqué une politique de deux poids, deux mesures en reconnaissant les diplômes pour les uns et en les refusant pour les autres. Les silks à la conquête du marché financier, constate Burundi Echo. En effet, explique ce journal, les gens commencent à développer d'autres formes de sources de financement pour initier des activités génératrices de revenus. La source la plus visible dans les quartiers de la municipalité de Bujumbura est dénommée Saving Internal Learning Community. En français, ce sont des communautés d'épargne interne et de crédit. Les membres des SILC disent que c'est parce que les taux d'intérêt dans les institutions de microfinance sont élevés, écrit ce journal spécialisé dans les questions socio-économiques, qui souligne la réplique du réseau des institutions de microfinance, balayant ces accusations du revers de la main. Pourtant, il qualifie ces groupes de bonnes pépinières des institutions de microfinance, écrit toujours Burundi Echo. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse rapporte que 125 hectares de boisement sur différentes collines des communes Mugina et Mabayi en province de Cibitoke ont été ravagés par des feux de brousse. Et d'après son confrère, c'est suite à cette situation que le programme d'appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole PAYUSA a entamé depuis mardi 11 août une campagne de sensibilisation de la population pour lutter contre ces feux qui détruisent l'environnement en général et les boisements en particulier. Pendant ce temps, NetPress évoque 49 hectares partis en fumée dans la forêt naturelle d'Inanzegwe, une montagne à cheval entre les provinces de Makamba et Bururi, toutes les deux situées au sud du Burundi. Des feux de brousse qui mobilisent les gouverneurs des deux provinces, écrit ce quotidien en ligne. Réduction des oranges et montée de prix à Gitega, écrit le journal en ligne La Nova. Sur son compte Facebook, La Nova rappelle qu'il y a un mois, 4 pièces de ce fruit s'achetaient à 500 francs burundais, une quantité dont le prix s'élève aujourd'hui à 1000 francs burundais. Les commerçants qui se sont confiés à La Nova avancent que cette situation est due à la saison de faible production de l'orange, ce qui fait que les véhicules transportant ces fruits de Bujumbura ont diminué. Par conséquent, ces fruits deviennent chers. Ceux qui s'achetaient à 15 000 francs s'achètent aujourd'hui à 35 000 francs burundais, expliquent ces commerçants dans ce journal en ligne. La population qui s'est entretenue avec La Nova dit ne pas avoir d'autre recours estimant qu'elle préfère acheter cher ses oranges qu'abandonner ce fruit combien important pour la santé humaine, estiment ces citadins de la capitale politique dans les colonnes de la Nova. Le collectif des blogueurs Yaga écrit sur le témoignage d'une fille qui a passé la nuit aux séances de prière, mais qui a failli être sexuellement violée par un soi-disant prophète. Alice, qui s'est confiée à Yaga, trouve que les serviteurs de Dieu, communément appelés prophètes, font souvent preuve de trahison malgré qu'on leur confie tout. Cette jeune fille regrette que parmi ses serviteurs de Dieu, il y a ceux qui transforment leur vocation en manigance pour atteindre la volupté charnelle, prévient la blogueuse de Yaga. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Eli Nibel Nibigira et Jean Bosco Nduimana. À la prochaine.